la peinture en l'huile. C'est bien difficile, mais c'est bien plus beau. Dali, daladi, adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah. Rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabite, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Hawaïl. On dit de verre en Hawaïl. Et puis on termine Dali, daladi, adadi, par plaisanterie fine. À l'eau de sels, rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabite, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Fawaïles. C'est moins rigolo. Dali, daladi, adadi, les pédalo, allo. Ah, allo, ah. Rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabite, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de Bawaïl. C'est bien inut Hawaïl. Et ça rend morose. Dali, daladi, adadi, vaut mieux se faire autre chose. Allo, ah. Rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabite, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit petit peu. Un tout petit peu, tout petit petit peu. Un tout petit peu, tout petit petit peu. Un tout petit peu, tout petit petit peu. En l'envoie-le.